mise en onde par Alphonse Koubguimana. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. 6 personnes qui seraient militants du Parti Sénère ont été assassinées en province Kirundo dans ces 2 dernières semaines, rapporte le responsable provincial de son parti. Dans cette province, des assassinats niés par le gouverneur de la province Kirundo, vous l'entendrez dès le début de cette édition. Et le quartier Milango 2 de la zone urbaine de Kamenge, à mairie de Bujumbura, connaît une pénurie d'eau potable depuis une semaine. Vous entendrez les craintes des habitants de la localité, ce qu'ils demandent à la régie des eaux et bien sûr les réactions de cette dernière. Ouf de soulagement pour les caféiculteurs ayant vendu leur récolte caféicole à la Sogesta Ngozi. 500 millions de francs burundais sont disponibles pour les payer depuis ce vendredi. Et dans la chronique environnement, on va parler du rôle de petits insectes sur la croissance des végétaux, pourtant menacés par les feux de brousse. Et voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, 6 personnes reconnues comme militants du parti Sénél en province Kirundo auraient été tuées et certaines retrouvées mortes durant les 2 dernières semaines. Anatole Karolero, responsable provincial de son parti qui le dit, affirme que toutes ces personnes sont mortes pour des mobiles politiques. Il regrette que l'administration interdise à son parti de ne pas reconnaître ces militants tués. Il demande aux instances judiciaires d'accélérer les enquêtes afin de punir les auteurs de ces cas de meurtre suivis. Ici à Kirundo, on a constaté quelques cas d'assassinat. On peut citer entre autres 5 ou 6 militants d'ALC6 qui ont été tués. On peut citer donc un cas récent d'un membre de nos militants, Dinodo Munezero, qui a été tué par certains des membres du parti au pouvoir. On a capturé 4 et ils ont été emprisonnés au cachot du commissariat de Kirundo. On attend donc des investigations à propos. Il y a 2 membres de la commune Nhega, 1 membre de la commune Bugabira et un autre de la commune Busoni, un de la commune Gambarangwe et un cas très récent de la commune Kirundo dans le quartier Rufunda, dans le Kirundo Centre. Quand nous consultons ces instances, ces derniers nous disent qu'ils sont en train de faire des investigations. Nous attendons ces investigations. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont assassinés pour des raisons politiques? Ce qui prouve que ces assassinats sont d'origine donc politique, certains de ces membres qui ont été tués ont participé dans des réunions de notre parti. Donc nous approuvons que ces assassinats donc, sont d'origine politique. Est-ce qu'il n'y a pas des militants de votre parti qui commettent des forfaits au nom du parti? Nous ne sommes pas sains, mais des cas échéants montrent que nos militants vraiment sont des innocents. Des cas isolés ne peuvent pas manquer, mais la grande majorité sont des innocents. Nous proposons à l'administration de faire des investigations précises, de faire beaucoup de réunions pour tranquilliser la population, mais en particulier nos militants. Et à ce propos, ces tueries rapportées par le parti Sénél sont rejetées en bloc par le gouverneur de la province Kirundo. Alain Tribert Mutabadi explique plutôt que le climat politique dans sa province est favorable. Selon lui, même ceux qui sont tués pour des raisons qui ne sont pas d'ordre politique ne seraient pas des militants de son parti. Il demande cependant aux partis politiques de se respecter mutuellement dans leurs différences politiques. Suivez Alain Tribert Mutabadi. Je commence à lui demander comment se présente la situation politique dans cette province. Dans la province de Kirundo, le climat politique qui règne est bon. Il y a même des morts, mais ce sont des actes où ceux qui ont commis ces forfaits sont attrapés, sont traduits en justice. Et il y a même ceux qui ont été jugés conformément à la loi et d'autres où on a ouvert les dossiers, les procès qui sont en cours pour établir les responsabilités afin que les coupables soient finit sévèrement et conformément à la loi. Vous parlez d'un climat politique favorable en province Kirundo. Et ce parti Sénél qui parle de 6 personnes tuées en déant 2 semaines. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Malheureusement, il y a quelques-uns qui ça donne l'occasion de crier, de dire dans les médias, dans les ondes de radio ou bien dans les réseaux sociaux en disant que ceux qui sont morts sont les membres de leur parti politique ou les sympathisants. Mais je dis que on ne peut pas toujours dire que quand il y a un mort, que c'est un membre d'un parti tel, alors que même dans la réunion tenue dernièrement à l'endroit des partis politiques, avec les administrateurs communaux et les responsables de la justice et de la sécurité. Le représentant du parti SNL a dit que dernièrement, il y a eu 4 cas de mort de leurs membres, mais on a trouvé qu'il y avait de fausses informations, que parmi ces 4 morts, il y avait un membre du parti Prona et il y avait un membre du parti CNDD-FDD au pouvoir, mais que dans tous ces cas, ce sont des actes qui sont délibérément commis par des individus. Alain Tribert Moutawadi, le gouverneur de la province Kirundo. Après une courte pause, on va passer en page commerce. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h02, avant de passer en page commerce, je viens de l'apprendre en même temps que vous. Deux membres du parti SNL ont été grièvement blessés ce vendredi lors des bagarres qui ont éclaté entre les membres du parti SNL et les jeunes qui sont soupçonnés dans la localité d'être des jeunes affiliés au parti au pouvoir sur la colline Buringa de la commune Gihanga, province d'Ububanza. Les membres du CNL disaient qu'ils allaient inaugurer leur permanence. Selon notre reporter sur place, les forces de l'ordre sont intervenues à temps et ont pu maîtriser la situation avant qu'il ne soit tard. Et justement, page commerce, comme je le disais, renforcer le commerce transfrontalier entre le Burundi et la Tanzanie est l'une des attentes du Burundi à l'issue de la foire commerciale lancée ce vendredi dans la capitale économique Bujumbura. Une foire au cours de laquelle seront exposés des produits en provenance de la Tanzanie et du Burundi. Le ministre Jean-Marie Niokindi, en charge du commerce et de l'industrie qui a ouvert cette foire, a indiqué que le Burundi importe beaucoup de produits de première nécessité en provenance de la Tanzanie. Suivez. C'est une occasion pour les uns et les autres, les opérateurs économiques burundais et tanzaniens, d'échanger, de voir ce qui se fait et de discuter sur ce qu'on peut faire demain et après-demain. Donc c'est une bonne occasion d'échanger. Les rapports commerciaux existent déjà. Je vous dirais qu'au Burundi, nous importons de la Tanzanie pas mal de produits, dont le sel alimentaire. Et le sel alimentaire du Burundi provient essentiellement de la Tanzanie. Je vous dirais que c'est au moins plus de 95% du sel consommé au Burundi provient de la Tanzanie. Il y a d'autres produits comme le riz, comme le blé, qui provient aussi de la Tanzanie. Donc les relations existent déjà. Ici, je dirais que le Burundi importe plus de 40% de ses importations par rapport au reste de la communauté est-africaine. 40% des produits proviennent de la Tanzanie. Le Burundi partage avec la Tanzanie une longue frontière, une frontière qui va du nord à l'est du pays et même jusqu'au sud. Donc ça veut dire que par rapport à cette situation géographique, le Burundi peut développer un commerce transfrontalier avec le pays frère et ami, la Tanzanie. Donc il s'agit d'éliminer les barrières non tarifaires, il s'agit de développer ce commerce. Cela est possible. Les opérateurs économiques tanzaniens et burundais qui sont réunis dans ce forum vont en discuter pour aboutir à une réelle facilitation du commerce. Et je l'avais dit en titre, les habitants du quartier Milango 2 de la commune Ntahangwa mairie de Bujumbura déplorent la pénurie d'eau potable qui persiste dans cette localité il y a plus d'une semaine. Ils indiquent que pour le moment, ils se servent des eaux de la rivière se trouvant dans cet endroit pour faire la cuisson et la vaisselle. Par conséquent, ces habitants craignent d'attraper les maladies des mains sales suite au retard d'approvisionnement en eau potable dans cette localité. Ils demandent à la régie des eaux de régler ce problème dans les meilleurs délais. Reportage signé Vestine Boutoui. Ce sont des habitants du quartier Milango 2 de la commune Ntahangwa en mairie de Bujumbura déplorant le manque d'eau potable dans cette localité il y a plus d'une semaine. Une femme est rencontrée sur place indique que pour pouvoir se procurer de l'eau potable, elle est obligée de se réveiller très tôt afin de se rendre dans la campagne pour puiser de l'eau, ce qui lui prend beaucoup de temps. Puisque ses habitants trouvent difficilement de l'eau potable, un d'entre eux précise que pour faire l'hygiène, ils se servent de l'eau sale des ruisseaux ou des puits et que rarement, ils se lavent une fois par jour, ce qui leur est incommode. Par conséquent, ils craignent que les maladies démentielles, notamment la diarrhée, les verminoses et autres, puissent les surprendre si la situation persiste. Le chef de 10 ménages dans ce quartier de Milango 2, Emile Ndiguheba, affirme que ses habitants ont raison de s'inquiéter pour leur santé, étant donné que l'absence de l'eau potable rend la vie presque impossible. Pour ce, il demande aux autorités de la régie des eaux de les alimenter en eau potable. Merci Vestine Boutoyi. À ce sujet, le directeur chargé de l'eau au sein de la régie des eaux dit être au courant de cette situation et tranquillise cette population du quartier Milango 2 que d'ici peu, le problème sera résolu. Fabrice Nkurunziza explique que les activités de réparation des fuites d'eau présentes dans certaines localités ont été déjà menées. Suivez-le au micro de Vestine Boutoui. On est au courant de la situation à Milango où il y a certains ménages qui passent 2 ou 3 jours sans eau, mais on est en train de faire le tout pour que ces ménages puissent alimenter en eau potable. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour régler ce problème? On est en train de réhabiliter la conduite à Guihosharirad, c'est la conduite DN4SA qui alimente cette zone. Donc, on est en train de réparer toutes les fuites sur cette conduite. Et on espère que dès qu'on termine à réparer certaines fuites, l'eau puisse arriver dans ces ménages. Et dans combien de temps vous aurez terminé ces travaux de réhabilitation de ces fuites d'eau? Je ne peux pas dire si c'est aujourd'hui ou demain, mais on espère que d'ici une semaine ou 2 semaines, on aura terminé à réparer certaines fuites et l'eau, puis, dans ce cas, pourra arriver. En page agriculture, plus de 500 millions de francs burundais seront injectés dès ce vendredi pour payer les caféiculteurs ayant vendu les récoltes à la Sogetan Ngozi. Sentiment de joie chez ces caféiculteurs qui indiquent que ce paiement vient à point nommé juste au début de la rentrée scolaire et de la saison culturelle à Apollinaire Mozagara correspond. Selon le calendrier de paie élaboré par la Sogetan Ngozi, le paiement débute ce vendredi par les stations Mirango, Murambi, Kisagara et Tchagour de Honda Isaba. Chargé de la production, la société Ngozi précise que son paiement va durer seulement une semaine. L'objectif, selon lui, faciliter les caféiculteurs à préparer la rentrée scolaire et la saison culturelle A qui s'annonce déjà. Ces caféiculteurs disent être satisfaits de son paiement qui arrive, selon eux, au moment opportun malgré le retard enregistré. Ils attendent cet argent depuis le mois de juin. La société Ngozi va payer durant cette semaine un total de 576 986 075 francs bourg sur toutes ces 19 stations de lavage. Une somme obtenue auprès des banques après l'avare du gouvernement, selon Deonda Issab. La production caféicole a sensiblement chuté cette année. Cette société de dépulpage de café a collecté 1200 tonnes de café cerise contre 5700 l'an passé. L'agence de régulation de la filière café avait fixé le 30 août 2019 comme date limite de paiement de ces caféiculteurs. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Muzagara. Page droit de l'homme. À présent, une personne est dite disparue quand elle est appréhendée par les instances habilitées, mais que ces dernières ne le confirment pas ou pas de criminel. C'est du moins les propos de Maître Jacques Ebitababadje à cette journée du 30 août dédiée aux personnes disparues. Il ajoute que la famille de cette personne peut saisir la justice, mais c'est très difficile. Maître Jacques Ebitababadje ajoute que ces crimes peuvent être commis en temps de guerre comme en temps de paix. Suivez Maître Ebitababadje au micro de Claire Kazenet. Une personne est dite disparue quand on ne la retrouve pas et généralement ce sont des actes par exemple de terrorisme ou ce sont des actes menés par les délinquants ou les criminels. En général, une personne peut être appréhendée par la justice, par des services bien connus, mais parfois aussi les gens disent « mais nous avons vu la personne, elle a été appréhendée par telle personne ». L'institution dit « non, nous n'avons pas eu cette personne » et à présent certain temps, cette personne-là peut être déclarée personne disparue. Alors, les personnes peuvent disparaître en temps de guerre comme en temps de paix, et dans les crimes internationaux, entre autres qui sont reconnus par la Cour pénale internationale, il y a le crime de guerre, il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de génocide et le crime d'agression, et toutes les personnes qui ont disparu pendant en temps de paix, les auteurs, si on les trouve, ils peuvent répondre d'un crime contre l'humanité. l'humanité. Aussi, les personnes peuvent disparaître en temps de guerre quand cette disparition, c'est l'œuvre des criminels. Et quand c'est fait pendant la guerre, les personnes pourront être accusées de crimes de guerre. Est-ce que sa famille peut saisir la justice si la personne est déclarée disparue? Oui, on m'en a donné, mais malheureusement, au niveau de la justice nationale, parfois, on a du mal à convaincre les juridictions. Et au finish, ce sont les juridictions internationales ou régionales qui déclarent les personnes disparues en vue de sanctionner les personnes qui seraient à l'origine de cette disparition. Il arrive des cas où la personne déclarée disparue peut être retrouvée après un certain temps. Oui, mais ce sont des cas très rares, rarissimes. Parce que d'abord, c'est une procédure très longue pour qu'une personne soit déclarée disparue. Maître Vita Wadje qui s'entretenait avec notre conseillère Marie-Claire Kazeneza, un page culture adapté au petit écran historique du Burundi et la façon la plus simple d'apprendre au monde, surtout aux enfants burundais, la genèse de la dynastie Ganois. Propos de Florian Nifacha, un jeune qui a réalisé un dessin animé sur le roi Nalerushati, officiellement lancé ce vendredi 29 août courant suivant. En tout cas, personnellement, j'ai grandi sur des dessins animés et des films, peu importe le genre. Et je pense que la façon dont je comprends les blagues que les personnes lancent ou je communique avec les gens, il y a une part des dessins animés et des films étrangers que j'ai regardés. Je crois vraiment qu'on peut influencer les mentalités à travers les dessins animés et les films. Pourquoi Nare? Parce que c'était le premier roi du Burundi. On prévoyait peut-être faire une suite, surtout les rois qui ont régné sur le Burundi. Et il fallait commencer par le premier. La source du Rwanda et la source du Burundi, on s'est basé plus sur celle du Burundi parce qu'il y avait plus de contenu en ce qui concerne la magie. On pouvait ajouter une touche d'animation sur peut-être les sorciers qui volent. Et l'enfant peut aussi s'identifier ou s'y rêver un peu. Et l'autre raison, c'est que aussi je viens de Rutana et voilà, c'était une façon de rendre hommage à la province natale de mon père, quoi. Et quel message laissez-vous aux jeunes? Faisons tout ce qui est possible pour peut-être réveiller les consciences des gens et aussi, en tant qu'artiste, je ferai tout ce qui est possible de ma part pour mettre l'histoire de mon pays partout où je peux, parce que c'est ce qui fait mon identité et ce qui fait l'identité de tous les Burundais. Avant de passer à la chronique environnement, parlons transport. La compagnie aérienne Uganda Airlines a commencé sa liaison Mogadiscio-Entebbe depuis ce jeudi. Abdullah Goda Bar, ministre de l'Éducation de la Somalie, indique que lancer une autre compagnie Airlines est un signe éloquent qui montre que la Somalie a déjà consolidé la paix et la sécurité. C'est au moment où le Burundi, lors du Conseil des ministres du 15 août l'année en cours, avait décidé que cette compagnie débuterait à atterrir sur Bujumbura depuis ce 31 août de cette année. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les petits insectes qui sont nécessaires à la croissance des végétaux sont victimes de feux de brousse et qui s'observent souvent au mois de septembre. Explication d'un expert environnementaliste, Albert Bonnelané, qui trouve que cette situation persiste malgré l'existence du code forestier qui punit toute infraction liée à la réglementation des incendies de forêt. Chronique environnement avec Christelle Anitikama. Pendant la saison sèche, surtout au mois de septembre, il s'observe des feux de brousse, selon l'environnementaliste Albert Bonnelané. C'est pendant cette période où l'on brûle les espaces afin de libérer des endroits pour faire brouter les vaches. Le mois de septembre, qu'on a appelé Nyakanga, je dirais que c'est le mois où la sécheresse était d'une grande tonacité. Et c'est pendant cette période où on brûlait les forêts, les espaces végétariens, pour qu'à un certain moment, on ait des endroits où faire brouter les vaches. Et quand on brûle pendant le mois de septembre, c'est qu'après, on approche plus ou moins la saison pluvieuse. Les herbes vont pousser plus rapidement. À cause de ces feux de brousse, les animaux sont contraints de fuir et d'autres, comme les insectes, disparaissent. Quand j'entends souvent les rapports des cadres de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, des fois on vous dit le parc national de la Rouvoubo, il y a eu 2000 hectares qui ont été brûlés. Si nous allons ici dans la Kibira, on peut dire 1000 hectares. Il faut peser maintenant qu'est-ce que nous allons perdre au niveau de la séquestration des gaz à effet de serre. Et puis surtout que les sources d'eau, les rivières, etc., leurs sources se trouvent généralement dans les montagnes qui sont, je dirais, boisées. Alors si nous brûlons tout cela, c'est qu'il risque d'y avoir aussi tarissement de ces rivières, des sources d'eau. Selon le code forestier, explique Monet Lanné, il est interdit de brûler les forêts. Toute infraction à la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt est punie d'un emprisonnement de 10 à 20 ans ou d'une amende de 100 000 à 500 000 francs. Je me souviens d'une bonne expérience que nous avons vécue, c'était en 2004. Il y avait une réunion des gouverneurs des provinces. La question qui se posait, c'était de savoir comment attraper les personnes qui brûlent les forêts. Il y a un gouverneur, il est aujourd'hui un des vice-présidents du Sénat. La mesure qu'il a suggérée, c'était que comme on ne peut pas attraper les auteurs de ces feux de brousse, nous allons attraper les gens qui vont y faire brouter les vaches. Et l'amende par vache, c'était de 20 000 francs. Et là, j'ai vu que le comportement avait changé. Albert Monet-Lanné indique que c'est l'administration qui doit faire un suivi pour savoir si le code forestier est bien appliqué. Qui sont concernés, c'est bien sûr l'administration. Parce qu'une forêt quelconque se trouve dans une commune quelconque. Donc l'administrateur de la commune devrait être le premier répondant pour faire un suivi pour savoir si réellement le code forestier est bien appliqué dans sa commune. Et ainsi le gouverneur, il aura un bon rapport à donner pour dire voilà, au moins en 2019, c'est pas 2000 hectares qui ont été brûlés, c'est peut-être 5 ou 10 hectares. Ça serait une bonne évolution. Selon l'expert environnementaliste Albert Monet-Lanné, les Burundais devraient être conscients que dans ces périodes où l'on parle du changement climatique et du réchauffement de la terre, ces forêts devraient être protégées. Merci Christelle Nidigama. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mes remerciements s'adressent à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Alphonse Kubgimana pour la mise en onde, mais également à Placide Niemungele pour sa réalisation. Et Lynn Benny Vigilajete à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.